je serai riche, tu auras Berlin, la plus belle niche pour notre bon chien. Quand je serai riche, dans tes yeux Merlin, une peau de biche au creux de tes reins. Quand on sera riche, notre belle niche sera bien plus riche que l'or de Venise. Quand on sera riche, notre douce niche, plus bel édifice que la tour de Pise. Marche à ta guise au cœur de l'hiver. Quand je serai riche, tout y sera vert. Le temps des cerises suspendues en l'air, une douce brise comme vent contraire. Quand on sera riche, notre belle niche sera bien plus riche que l'or de Venise. Quand on sera riche, notre douce niche, plus bel édifice que la tour de Pise. Quand tu seras riche de tout ce butin, ta terre si friche sera de leur fin. N'y vois pas de triche dans ce grand festin. Tire de la vigne le plus grand des vins. Quand on sera riche, notre belle niche sera bien plus riche que l'or de Venise. Quand on sera riche, notre douce niche, plus bel édifice que la tour de Pise. Quand toutes mes poches seront bien remplies, serons-nous des choses comme un bien acquis. Quand on sera riche de ces billets fous, seront-ils plus riches que nos billets doux? Quand on sera riche, notre belle niche sera bien plus riche que l'or de Venise. Quand on sera riche, notre douce niche, plus bel édifice que la tour de Pise. Quand on sera riche,